surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime, quand près de moi on crie blasphème. Sa parole me renferme, sa parole me renferme, sa parole. Pendant que l'épreuve creuse ma tombe, Jésus me tombe sous main d'amour. Ah, ah, il me dit prends le secours. Sans pareil dans son apport, sans pareil son apport, son apport. Sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil.